changer métier. Changer métier toujours dit nous. D'autres choses ont devenu nouvelles. M'va le raconter nous qui ça, qui passe un jeune garçon dans Canada. Vous connaissez. Les jeunes hommes arrivent au Canada, ne veulent pas mon travail. Ils ne vont pas gagner la vie. Allez venir nous les neiger. Les chances pour lui. Il y a un grand monde. En forme. Mais on a aussi un grand monde. Grand monde fait monsieur déclaration. Monsieur content, c'est Gabon, nous sauver. Et puis pour monsieur, il comprend que dans le pays, il est très jeune voilé. Et pourtant, le prend dans le lion. Ah, la gare pas table de quoi arriver, le bois attendez. Ah, oh, grand monde dit chéri. Dans la caille. Et lui, il a rallié mal, il a beaucoup même pile pour mieux marcher escalier. Dans mon enfant, deux même chez l'entravel. Oh oh, ça va, Lili. Chérie, allons faire le plein. Allons faire le plein. Allons faire le plein. Alors, le fou, tant pis. Dans mon enfant, pour monsieur, le fou, tant pis. Les faiblesses, c'est finalement pas monsieur, déjà, monsieur, pas de sentir le podium. On va, monsieur, commence à trembler. Et monsieur qu'on est, non faire le plein, faire le plein. Monsieur pas pompiste. Il pas Texaco. Il pas Shell. Il pas Esso. Les pompes gasoline côté Léa, Léa Moko. Petro Canada. Monsieur qu'on est le blague en basol. Pas possible de basol en mène. Aïe aïe aïe. Zachary Valley qui est papa. J'ai dit bon, chérie, je ne vais pas aller au docteur parce que je me sens pas capable. Donc on a dit ben, dégage-moi avec le docteur, m'attends nous. Même chérie, je vais au docteur, le docteur dit, sois senti. Il dit donc, je me sens pas bon. Je me sens tout le temps des dames crasées. Je me sens tout le temps des dames crasées. Donc là, dit bon, je vais le prescrire. Mais ça m'a prescrit là, c'est pour prendre trois fois par jour. Mais soit pour. On va prendre l'ambi boucané, grenadia, carotte, grenadine, cachimant Québec. C'est pour tout le bagage, c'est ça qu'il faut sauver ou ça passe en balade. Dis donc, c'est pas le tout nous. Parce que l'entendez, grand monde, il souffre, il est quel content. Il vient pour l'après, les migrants ont fait de vitesse supérieure pour la demander. Supérieure pour la pandémie. Et ma balle de vitesse supérieure quand même. Et ma balle nous, dimension. Vitesse supérieure. Et bien, vitesse supérieure, c'est 48 sur 8, 5 féroces, bonne sous côté, des calamba, bloc, son boy. C'est alors. Monsieur commence à prendre médicaments correctement. Et puis, bonjour, comme on a dit, monsieur dit, chérie, venez essayer nous. Venez essayer nous. Mais essayez à ce que vous vivez dans gasoline n'a pas de gasoline, gars, il est trop plein. A fait, bagage, comme on a pris l'ambre. On a dit, oui, chérie, t'as pas de femme, soit femme là. Puis tu achètes un rigoise, on assassine ma coupe d'ivoire. Puis tu battes ma veste dans l'eau. Bagabab encore. Bagabab. J'en ai 3 du point.